en a qui répondent. Je parle de vous tout seul quand je dis bonsoir. J'ai venu à cette conférence ayant pour titre ma première rencontre avec des extraterrestres. Vas-y, parle-nous-en. Bon, alors... Je commence toujours comme ça, il commence avec bonsoir, puis moi je... Ça m'est arrivé... J'aimerais qu'avant qu'on parle de rencontre avec extraterrestres, que tu définisses ce que toi tu entends par extraterrestre. Quand tu vas en rencontrer ou quand tu vas parler de... Moi, j'aimerais mieux qu'on parle des rencontres. Ça va expliquer en même temps qu'est-ce que j'entends par extraterrestre. Ah, c'est toi qui fais la conférence. Tu vas faire ça comme tu veux. C'est bien. OK. Qu'est-ce qu'une rencontre? Ben, c'est quand tu rencontres. C'est... Une rencontre, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau psychologique, ça peut être dans un songe, dans un rêve, dans un cauchemar, dans un... Il me pose la question, puis j'ai... Dans un métro. Oui. Et comment tu as rencontré un extraterrestre? Bon, j'ai fouillé pour savoir quand est-ce que... quelle avait été la... Probablement, j'ai cherché pour voir, pour savoir si j'en avais déjà rencontré un, parce que j'avais une conférence à faire là-dessus. Et puis, j'ai cherché après, si je n'ai rencontré un, ça irait à quand? Et puis, effectivement, là, j'ai trouvé dans les annales akashiques, n'est-ce pas, des particularités de ma jeunesse. Alors, à un moment donné, je me promenais, j'allais chercher du pain. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Alors, ça n'a pas dit qu'on rencontre un extraterrestre qui va chercher du pain. OK. Pour faire une nuance. Bon. Alors, il y avait un jeune garçon d'à peu près 6 ans, peut-être 7 ans, qui s'en allait avec son frère qui, lui, avait 6 ans ou 5 ans. Un an en bas. Et puis, il allait chercher du pain de boulangerie, quelque part à Montréal. Et puis, rendu sur le coin d'une rue où il y a un boulevard, le plus vieux, qui s'appelle Daniel, a regardé à gauche puis à droite, il y avait des automobiles qui s'en venaient, mais ils étaient assez loin. Alors, il dit à son jeune frère de l'attendre sur le coin. Lui, il va aller jusqu'à boulangerie, il va venir avec le pain. Mais là, son jeune frère, c'est parce que c'est qu'un frère, il se met à argumenter. Alors, il y a eu une argumentation qui a duré de 10 à 15 secondes. Et là, le jeune frère a décidé de rester sur le coin de la rue. Alors là, le jeune Daniel, lui, ben là, il est parti en traversant. Mais ce qu'il n'a pas pensé, c'est que pendant 10 ou 15 secondes, cette automobile s'avance. Alors, il est passé devant une automobile qui s'en allait par là-bas. Et il est allé frapper le devant de l'autre automobile qui s'en allait dans l'autre sens. Le conducteur a dit par la suite qu'il lui était sûr que l'enfant était passé en dessous de l'automobile, en dessous de la roue d'en avant. Mais il y a un spectateur du coin, parce que ce n'est pas des témoins, c'est des spectateurs, le monde sur la planète Terre quand il voit les accidents. Alors, il y a un spectateur qui, lui, dit que l'enfant a frappé l'aile oui, en avant, du côté gauche de l'automobile, où est la roue, et il a rebondi là-dessus, il a traversé les airs par-dessus d'autres automobiles qui passaient sur le boulevard, et il est revenu rejoindre son frère en arrivant le dos sur la chaîne de trottoir. Et l'enfant est resté là sans connaissance. Et là, moi, je me rappelle de d'autres choses. Je me rappelle... J'ai plané un grand bout de temps, mais je planais déjà avant l'accident. Et puis, à un moment donné, eh bien, il y a la passagère de l'automobile qui est arrivée en courant, elle a pris le jeune garçon, ben, elle l'a levé. Parce qu'elle voulait pas que ce soit malade. Chance qu'il n'y avait plus rien. Il voulait pour l'achever. Oui. Et là, tout est revenu. Je porte des lentilles et des verres de contact. À l'époque, j'avais des lunettes. L'automobile était passée sous mes lunettes, enfin une autre. Mais quand on m'a relevé, je voyais très clair. Tout était parfait. Je voyais même plus clair que clair. Et je n'avais absolument rien. Deux petites éraflures, mais absolument rien. L'automobile était dû pour des débossages sur l'aile. Et puis moi, je n'avais rien. Et à partir de ce moment donné, là, j'ai commencé à digérer une différence majeure chez moi. J'ai déjà fait une conférence où je disais « je suis extraterrestre », effectivement. C'est que depuis ce temps-là, je suis en contact avec une énergie qui est extraterrestre, qui provient de la Terre, mais dans l'avenir, qui n'est pas terrestre dans l'actuel présent. Et ça a été ma première rencontre avec un extraterrestre, c'est-à-dire avec une conscience qui n'est pas une conscience normalisée, qui n'est pas une conscience traditionnelle de ce qu'on connaît au 20e siècle, Et de ce fait, depuis ce temps-là, j'ai nécessairement pu cheminer d'une façon très différente. Chez moi, comme à l'école, ma mère, elle m'a jamais trop compris, mon père non plus par la suite, mais ils m'ont laissé libre, c'est pas pire. Et puis, parce qu'ils m'ont jamais pincé, remarque bien, j'ai toujours été très, très, très correct. Et puis, c'est ça. Jusqu'à un moment donné, ou à Montebello, à un moment donné, qui est un endroit que vous connaissez peut-être, ma famille avait un domaine là. Et puis, j'étais dans la forêt, on avait un chalet. Mais à travers le temps, aujourd'hui, c'est plus un chalet, c'est une ruine, mais ça a été un chalet, ça a été un shack, ça a été un camp, ça a été une dompe, là, c'est une ruine, c'est bon. Et l'évolution des choses en la matière. À l'époque, c'était un chalet agréable où on gelait pas trop l'hiver. Et puis, j'étais là avec certains de mes amis, j'avais 13-14 ans. Et puis, à un moment donné, on a vu des soucoupes volantes, enfin, je ne sais pas si c'était des soucoupes, c'était loin, pas mal, mais des trucs volants qui faisaient des simagrées dans le ciel. Et puis, à un moment donné, il y en a une qui a disparu pas loin dans le bois. Alors, on avait déjà eu une forme de contact en 69 à Montréal-Nord de ce genre de phénomène. Alors, on est allé à la recherche des soucoupes volantes, des extraterrestres. Et tout ce qu'on a trouvé, ça a été des marques de pas dans le sol qui étaient des nu-pieds. C'était nu-pieds, c'était des pieds nus. Peut-être qu'ils ont fait un accident. Si il y a des accidents, on perd nos souliers des fois. Mais bon, les extraterrestres, on peut être sur le bas. Mais c'était assez grand, puis c'était original. Alors, on a plutôt penché pour des Sasquatch. Bon. On sait qu'en Ontario, ils en ont vu quelques-uns, en Alberta aussi. Ça mesure de 12 à 17 pieds de haut. C'était abominable comme des neiges, là, mais nous autres, il n'y a pas de neige à l'époque où c'est arrivé. Et puis, on a vu souvent des traces comme ça. Mon jeune frère aussi en a vu par la suite. Alors, c'était quoi? Bon, mais les Sasquatch sont souvent, ou l'abominable homme des neiges, le Yeti, le Migou, il y en a en Amazonie, il y en a dans plusieurs places, sont souvent repérés là où il y a des entrées extraterrestres, intraterrestres, donc où il y a souvent des apparitions. Et souvent, on a vu l'apparition des Sasquatch, des Migou, enfin de ce genre de personnages, dans les régions planétaires où on a l'Agartha, où on a Shambhala, donc dans le Haut-Tibet, évidemment, c'est là qu'on parle du Yeti. Et il y a des phénomènes comme ça intéressants. J'ai pas eu de contact là. Le dernier contact avec des mécaniques extraterrestres, ça date de quelques semaines. Et c'est lorsque j'avais été au Pérou. Et puis après être revenu du Pérou, j'ai développé un léger problème de digestion. Un léger problème intestinal. Et j'avais déjà une vision particulière, une prophétie qui m'accompagne, qui disait que en 86, je devrais subir une opération majeure suite à un accident médical lors d'un examen. Et que pendant l'opération, il y aurait un deuxième accident médical. En tout cas, bref, la vie était rose. Rouge, on pourrait dire. Et ce qui fait qu'en 86, je n'ai pas été voir les médecins, en 87 non plus, en 88 non plus, en 89 non plus, en 90 non plus. Et en 91, finalement, j'y étais. Alors, j'ai subi un petit examen banal, puis ils m'ont perforé le côlon. Alors, je me suis ramassé à l'urgence de l'hôpital, et puis on me dit que, M. Kem, on doit vous opérer d'urgence, parce que ce que vous avez là, c'est très compliqué. Les prophéties sont à l'épreuve du temps. Ah, les torieuses prophéties. Surtout que j'avais dit quelquefois en conférence que jusqu'à date, j'avais jamais réussi à éviter une prophétie. Et que je suis convaincu qu'on peut parvenir à contourner les prophéties, mais que j'avais jamais réussi. À l'époque d'envol, j'avais essayé, puis d'autres choses comme ça, puis l'humanité a souvent essayé. Ce qui fait qu'on peut penser que l'Apocalypse va être là. Mais en même temps, il y a quelque chose, je sais chez moi, qu'on peut contourner une prophétie si on ne peut pas l'éviter. Donc, c'est pas nécessaire que tout le monde la vive. Alors, à l'hôpital, eh bien, on m'explique clairement qu'on doit m'opérer parce que j'ai le gros intestin plein de barium. Donc, c'est radioactif, ce qui fait qu'il n'y a rien qui se cicatrise dans un tissu qui est irradié. J'ai un foyer d'infection majeure, parce que ce qui sort du côlon, c'est pas nécessairement propre. On voit Daniel Ken, bon. Alors, j'avais une infection massive, température très haute, des globules blancs, infection massive. Et dans un milieu infecté, ça ne se guérit pas non plus. Donc, il reste la solution de l'opération. L'opération est compliquée, c'est une opération majeure que le chirurgien m'explique. C'est un des patrons en chirurgie, en gastro-entérologie, parce que la perforation est rétro-péritonéale, je vous passe le détail, mais c'est en, il faut peut-être passer le rein si tu vas d'un côté ou l'autre côté, il faut en tout cas, c'est un enjeu. Et si on ne m'opère pas, ça va dégénérer en péritonite, ça fait que c'est extrêmement compliqué, c'est une infection totale finalement de l'abdomen, qui amène à la mort dans les au grand temps. C'est une septicémie, puis on n'en parle plus. Alors, j'explique au médecin que je vais travailler sur moi. Enfin, c'est pour ça que je lui dis, tu sais, mais je lui explique qu'il devrait me laisser la nuit. Tu demandes un délai. Alors, après plusieurs consultations avec d'autres spécialistes, le délai n'est pas accordé. Et puis, après consultation avec moi souvent, le délai finit par être accordé. Alors, on m'accorde un délai de 12 heures. Puis, on me dit, écoutez, demain matin, s'il n'y a rien qui a changé, mais ça devrait être pire, mais s'il n'y a rien qui a changé, on vous opère. Fait que moi, je dis d'accord, parce que c'est évident que là, je ne peux plus fuir l'hôpital, j'ai plus le choix, là. Il n'y a pas de maladie. T'sais. Alors, pendant la nuit, je travaille. Je ne suis pas seul, il y a des individus qui vont canaliser suffisamment d'énergie pour me donner ce qui manque. Et puis, à travers le travail, je finis par rencontrer des personnages qui, je sais qu'ils viennent de très, très loin, donc ils sont déplacés par transport séraphique. Et j'entre en contact avec eux, je communique avec eux, je parle avec eux. On se connaît, mais je ne les connais plus. Un peu de la mémoire. Alors, eux m'expliquent simplement qu'ils vont procéder à la chirurgie, qu'ils vont m'opérer, qu'il n'y aura pas de problème, qu'ils vont éliminer le foyer infectieux, qu'ils vont éliminer le problème de l'irradiation. Et je n'ai pas grand-chose à faire. Alors moi, je vérifie, est-ce que je peux faire ma part? Puis là, on m'explique, écoute, non, ce sera préféré avant de travailler seul. Quand je fais plus d'art. C'est ça. Ah, j'ai pas trop dormi, j'ai vérifié. on sait plein de choses, mais quand le corps est en train de s'en aller, c'est là qu'on doit se décider si on se branche sur ce qu'on sait ou si on se branche sur ce que les autres savent. M'être branché sur ce que les autres savent, je serai encore à l'hôpital, puis j'aurai d'autres opérations à subir à travers le temps. Un beau petit sac, puis... Ouais, j'aurai une colostomie temporaire. Et le deuxième accident était un embolie, parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'air dans un tube à solité sur la table d'opération, ce qu'on a mangé. Bon. Et finalement, je me suis accroché à ce que je savais. Et puis, le lendemain matin, il n'y a plus d'infection, il n'y a plus de température, il n'y a plus rien. Alors, ils ont pris une radiographie par la suite pour vérifier s'il y avait encore de l'air qui fuyait, etc. Puis tout était normal au niveau de la radiographie. Alors, ils m'ont quand même gardé quelques journées parce qu'ils ne croyaient pas à rien. Puis j'ai vu 21 spécialistes. Tout le monde venait voir le miraculé du 7e étage. Le miraculé du, oui. Le lendemain, dans l'avant-midi, je suis super malade. Ça a été mieux. Ils ont pris température, etc. Les signes vitaux, tout va bien, mais ça ne va vraiment pas. Ce qui fait que je rentre en contact encore avec la mécanique que je connais. Et j'ai toujours su, depuis très jeune, depuis l'âge de 10 ans ou 11 ans ou 12 ans, j'ai toujours su rentrer en contact avec eux. Alors, je recrée la mécanique pour entrer en contact, et puis finalement, ça prend un grand bout de temps, ça prend peut-être 20 minutes, puis là, je sens, je vois quelqu'un qui arrive très rapidement, puis qui me dit, écoute, on te laisse plus là. Fait que je reste avec toi jusqu'à temps que tu sois correct. Et ça a pris peut-être quelques minutes pour que tout redevienne totalement normal, impeccable. Alors, j'ai passé un mois à agir comme une personne qui avait subi une opération. J'ai été opéré, effectivement, parce que j'avais une perforation qui ne se résorbe pas. Mais j'ai pas de cicatrice extérieure, parce que j'ai pas été opéré par les médecins du 20e siècle. J'ai eu une chance. Et puis, c'est la dernière rencontre, disons, très opérationnelle, hein, avec les extraterrestres. Ils viennent d'où, ces extraterrestres-là? Ils viennent de quand? Ouais, les deux questions sont bonnes. Et souvent, la vision qu'on a du monde extraterrestre, c'est toujours d'où ils viennent. Alors que souvent, quand on en a parlé, nous, on parlait de quand ils viennent. Ceux-là viennent de... Il faudrait se poser des questions plus claires. OK, je vais me préciser. Pourquoi? Parce que c'était des choses... Vous savez, Daniel Kemp, c'est un gars probablement intéressant. Ce mois-ci, les conférences sont ma première rencontre avec ceci, etc. Je fais des conférences parce que c'est extrêmement utile pour moi. Et c'est utile aussi pour le public, c'est utile aussi pour Charles. D'ailleurs, s'il m'interviewe, c'est pas pour rien non plus. Et de temps en temps, il y a effectivement des choses sur lesquelles je ne peux pas vouloir aller, ou je ne veux pas pouvoir aller, parce que ça va réveiller chez moi des mémoires de choses que je suis, que je sais, puis que je ne veux pas savoir. Et de temps en temps, il va poser une question qui m'amènerait quelque part, puis je vais lui dire, écoute, pose ta question d'une autre façon ou pose-la d'une façon plus directe. Autrement dit, surprends-moi. Alors là, je pourrais répondre. Je ne peux pas mentir, mais je peux ne pas répondre. Bon. Et quand tu me demandes d'où ils viennent de là où je viens. Donc, en partant, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que il y a énormément de mémoires planétaires qui m'habitent. J'ai réincarné suffisamment d'individus aussi, comme tout le monde. Et ces personnages-là ont une peur fabuleuse de devoir se révéler qu'une grande partie de ce qui habite le même corps a abouti. Et j'appelle ça depuis longtemps la fausse humilité. C'est exactement comme les plusieurs choses que vous pouvez faire, puis que jamais vous allez vous permettre de faire. Parce que vous y croyez pas. Bon, moi, je sais des choses, et j'ai toujours des... Dans ce que j'ai réincarné, ceux qui avant moi ont eu des contacts, même genre, ont toujours fini mal. Très mal. Bon, très mal. D'ailleurs, ainsi que ceux qui me suivaient de près, ainsi que mes amis, c'est pas? C'est ça. Très mal. D'accord avec ça? Bon. Alors, nécessairement, il y a une partie de l'être humain qui ne veut pas en savoir trop parce qu'il se dit, écoute, pas intéressant. Alors que plus on va en savoir, moins ça va être problématique. Parce que dans la définition d'extraterrestre, comme tu l'abordes là, ça peut être très bien extratemporel, des terrestres extratemporels, donc qui ont été dans le passé, dans le futur ou en quelque part dans un autre temps. Oui. Premièrement, la majorité des mécaniques extraterrestres qui vont intervenir dans le but de ramasser les individus qui sont salvables énergétiquement, ces extraterrestres-là, on va nous penser qu'ils sont extraterrestres, ce sont des terriens qui viennent de l'avenir. Mais nécessairement, la vision de l'extraterrestre ou la vision du terrien, qu'est-ce que c'est que la vision d'un terrien? Ben, il se promène en avion de chasse ou encore en Boeing. Il se promène avec des avions qui sont turbopropulsés, qui sont... ils ont des réacteurs qui fonctionnent normalement avec de l'essence, dont des extras du pétrole. Et on aura une idée. L'extraterrestre, par contre, l'idée qu'on va avoir, c'est qu'il se promène dans un véhicule qui, lui, apparemment, ne subit pas la limitation de la gravité. C'est un véhicule qui ne fonctionne pas avec des mécaniques fossiles, comme le pétrole ou ces choses-là. Il fonctionne avec de l'énergie ou encore de l'électromagnétisme. On a une vision particulière de l'extraterrestre et une vision très limitée de l'humain. Si on considère que l'humain va évoluer dans le temps, et qu'à un moment donné, l'humain va avoir la capacité de voyager à travers des continuums différents, parce que le passé existe en même temps que le présent, comme d'ailleurs le présent existe en même temps que l'avenir, le présent étant le passé de l'avenir, on ne peut pas reculer dans le temps, mais on peut changer de temps, donc aller dans le passé. On le fait avec des télescopes, présentement. On est capable de regarder avec un télescope, puis quand on regarde, plus on regarde loin, plus on voit le passé. Et ça, c'est une mécanique que l'humain peut faire, simplement à cause du jeu de la vitesse de la lumière. C'est un peu comme si je vous arrose avec un boyau d'arrosage. Quand j'arrête de vous arroser, l'eau sort plus. Mais vous allez continuer à recevoir de l'eau en fonction de la vitesse de déplacement de l'eau. Donc, vous allez recevoir de l'eau que le boyau a émis, mais que le boyau n'émet plus. Dans l'absolu, je n'émets plus d'eau. Puis dans votre réalité, vous recevez encore de l'eau. Alors, si moi, je vous arrose les yeux et j'arrête, pendant une demi-seconde à une seconde, vous allez dire, il m'arrose encore. Puis moi, je vais dire, non, je ne vous arrose plus. Et vous allez être convaincu que je vous arrose, mais je ne vous arrose plus. La lumière, c'est la même chose. La lumière, elle part, par exemple, d'une planète et elle voyage à 300 000 km à la seconde, et au bout de 1000 ans, elle arrive dans les yeux de quelqu'un. Et la personne, elle dit, tiens, je vois quelqu'un qui se réveille. Ça fait 1000 ans qu'il s'est réveillé. Ce qu'on voit, c'est le passé. Est-ce qu'un physicien avait amené un Bradley en 1700 quelque chose, qui avait amené justement la théorie que la lumière, quand on voyait une étoile, ben, ça ne voulait pas dire que l'étoile existait encore, au contraire. La majorité des étoiles existent. Le temps que la lumière s'en vienne, il a mal fini, lui aussi. Ben oui, ça c'est suffisant. Hein. Il n'était pas d'accord avec la théorie. Là. Non, depuis, on a inventé l'ajustement, la démocratie, la diplomatie, on a inventé des choses. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement, bon, on est capable, avec le jeu de la lumière, avec les télescopes, entre autres, de voir un peu dans le passé. Le télescope qui est envoyé dans l'espace dernièrement, qui ne fonctionne pas parce qu'il y a une aberration optique dessus, l'idée était de voir le très loin pour essayer de voir près des limites de la création de l'univers. Et dernièrement, ils ont réussi avec un satellite, avec une sonde qu'ils ont envoyée, à prendre une photo de la création très près de la seconde près après l'explosion, et c'est une forme de diamant. Ils ont une photo couleur. Couleur parce qu'il y en a du bleu, du rouge à cause de l'expansion. Et ils ont une photo présentement, ils ont des vraies photos, c'est pas une reconstitution ou etc. C'est une photo. Les revues scientifiques en ont parlé, tout le monde n'est pas abonné quand même. Et ils ont une photo présentement de l'univers à tout près de son origine. On peut donc voyager dans le passé à un point tel qu'on peut avoir une photo matérielle du passé. Ça fait longtemps que c'est su au niveau de l'astrophysique. Maintenant, on a une preuve encore plus évidente. Et dans les années à venir, on pourrait dire, disons, dans les centaines, dans les milliers d'années à venir, l'humain ne sera pas juste capable de voyager au niveau du photon, il va être capable aussi simplement de se déplacer dans le continuum. Alors, il y a des extraterrestres, des mécaniques extraterrestres qui sont totalement humaines, et c'est ce que je dis souvent aux séminaristes, c'est que la majorité des individus extraterrestres qui vont venir à un moment donné vous rencontrer, ça va être vos descendants. Donc, en réalité, ça va être réincarnationnellement vous. Et c'est pourquoi la majorité des individus vont être capables de reconnaître sûrement le bon ou du mauvais, parce qu'ils vont se reconnaître. Dans tes rencontres avec des extraterrestres, est-ce que ça ne peut pas être ce qui est arrivé? C'est qu'un certain Daniel dans le futur... Oui, je réincarne des mémoires de l'avenir de moi-même. Il est venu sauver un jeune qui se faisait frapper, puis il est venu opérer... Mais c'était essentiel, parce que s'il ne le sauvait pas, la lignée s'éteignait. Donc, eux n'existaient plus. C'était un autre phénomène, de toute façon, des mécaniques de l'avenir, avec les futurs possibles, qui existent, puis qui peuvent ne jamais avoir existé, dépendamment si, à un moment donné, on atteint quelque chose dans le passé. Alors, il y a eu certains films, dernièrement, qui sont sortis pour préparer l'humain aux rencontres extraterrestres. Ça a commencé avec E.T. Il y en a eu plusieurs par la suite. Il y a eu des films pour préparer l'humain aux rencontres avec les intraterrestres. Le dernier, c'est les Ninja Turtles. Bon, les mutants qui viennent du sol et qui viennent aider l'humain, bon, les préparer. Mais il y en a eu plusieurs autres entre-temps. Et on a eu aussi plusieurs films ces derniers temps de mécaniques d'avenir qui reviennent dans le passé pour tuer quelqu'un, pour empêcher d'eux. Alors, il y a le Terminator, qui est un film du genre, puis il y en a eu quelques autres aussi qui sont sortis. Total Recall, OK. Ben, Total Recall, ça, c'est des jeux dans l'astral. Ceux qui peuvent le louer, à un moment donné, vous allez voir qu'ils ont appliqué, eux autres, dans un film, la totalité de ce qu'on a dit en conférence sur les mécaniques astrales, la véracité de l'astral, la capacité de jouer avec les rêves, la reprogrammation de l'âme, ce qu'ils font là-dedans aussi. En tout cas, on peut s'amuser avec ça. Il y a des préparations qui se font de plus en plus, et les extraterrestres, la majorité des individus parlent, justement, posent la question, d'où viennent-ils? Alors que dans les discours qu'on a donnés depuis plusieurs années, la question qu'on poserait facilement, c'est quand viennent-ils? De quand viennent-ils? Exactement. Alors, la majorité, donc, il y a des... J'ai déjà expliqué dans une conférence, début janvier, je ne sais plus quelle année, les mécaniques de l'effusion. Et là, j'explique de quelle façon c'est créé, à travers les effusions des énergies, ce qui va créer l'être humain, et ce qui va créer aussi des mécaniques dans d'autres galaxies qui vont être en contact avec l'humain par transport séraphique. Donc, l'humain peut être en contact avec des mécaniques extraterrestres par transport séraphique, c'est ce qui m'est arrivé, à l'hôpital. L'humain peut être en contact avec des mécaniques extraterrestres qui sont au niveau d'une conscience supramentale, donc galactique, la conscience supramentale ou l'esprit saint, l'intelligence active, c'est extraterrestre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas créé de la Terre. Parce que l'extraterrestre, on pense toujours que c'est nécessairement un bonhomme vert. On n'a jamais rencontré de bonnes femmes vertes, en tout cas. Non. Bon. Mais... C'est parce qu'ils ont le câble, eux autres. Les bonhommes verts, ils ont des antennes. Les bonnes femmes vertes, ouais, ont le câble, c'est moins esthétique. Mais c'est un barbier mexicain qui a inventé ça, les petits martiens verts aux antennes. Alors, c'est pour ça que c'était un bonhomme, donc il a inventé les bonhommes. Il a pris un singe, un chimpanzé, il l'avait peinturé, il a planté deux clous dans la tête, puis il l'a mis dans sa vitrine, puis il avait expliqué qu'il avait tué un extraterrestre dans son champ. Bon. Puis après ça, les petits bonhommes verts aux antennes, c'est parti de là. Ça a évolué entre-temps, évidemment, c'est plus ajusté aux intraterrestres maintenant, avec les grands bras, puis etc., avec les deux sortes, mais quand même. Alors, ce qui arrive, il arrive qu'il y a donc un contact extraterrestre supramental que j'ai depuis longtemps, mais que j'ai conscientisé depuis, disons, 15 ans. Et ce contact extraterrestre, c'est tout ça, contact extraterrestre, qui va amener à l'humain une conscience neuve, c'est-à-dire une conscience qui va le désassujettir des consciences traditionnalistes. Est-ce que quand ça arrive, un contact avec un extraterrestre... Oui, on a un bar noir, normalement. Non, mais est-ce qu'on a toujours conscience? Est-ce que ça peut nous arriver dans un accident tragique, là, qui serait... Premièrement, normalement, dans le passé, c'est toujours arrivé chez quelqu'un qui est extrêmement affaibli par la maladie. D'où l'idée qu'il faut être martyr, ou etc., ou que la maladie fait évoluer, ces choses-là. Dans le passé, c'est souvent arrivé chez des individus qui étaient totalement en train de s'en aller, soit qu'on voulait les tuer, ou etc. Mais aujourd'hui, ça n'arrive plus comme ça. L'humain est toujours conscient quand ça arrive, mais il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est être conscient quand on a un contact avec l'intelligence supramentale, qui est une mécanique extraterrestre? Parce qu'il faut comprendre une chose. Tout ce qui est extraterrestre fait partie de l'être humain absolu. Ce n'est pas une mécanique comme ça qui vient, qui descend, qui dit « Tiens, pauvre petit, tu vis la couleur des yeux? » Oh, l'aider. C'est pas ça qui se passe. C'est des mécaniques qui sont nous-mêmes. Bon, il y a eu un éclatement dans la création, il y a un éclatement d'un être aussi, on va dire de l'humain. Il y a eu l'éclatement de l'humain. Et dans l'éclatement de l'humain, il y a des parties qui sont ramassées un peu partout à travers les galaxies. La résorption de l'univers va commencer réellement quand l'humain va avoir suffisamment avancé dans sa fusion. Alors, il y a une mécanique extraterrestre qui vient me chercher, c'est moi. Je me retrouve. Ça, c'est une question de survie. Pour celui qui est dans le futur, il ne faut pas que celui qui est dans le passé disparaisse, sinon exactement. Il n'existera pas. Quand on dit, par exemple, bon, ben, j'ai souvent dit, Dieu, son problème, c'est l'humain. Dieu a un problème humain, puis l'homme a un problème divin. L'homme veut entrer en contact, l'homme, la femme, veut entrer en contact avec un Dieu. Pourquoi Dieu s'intéresse à l'humain? Un Dieu a essentiellement besoin de l'humain. Là, évidemment, on parle d'un Dieu de façon plus globale que ce que l'humain va vouloir adorer. Bon. On doit donc comprendre la mécanique. Quand on parle d'extraterrestres, c'est des choses qui sont nous-mêmes, qui viennent. Alors, quand on parle de... Bon, moi, le contact avec l'intelligence supramentale, ça se fait comment? Ça se fait pas avec toc, toc, toc, allô, allô, allô, maintenant, à partir de maintenant, là, je vais parler à ta place, et puis tu vas voir, c'est bon. Tu sais, il va faire des conférences, ça va marcher. C'est... L'humain, souvent, il va s'attendre à un contact éclairé. Dans la façon dont tu le dis, ce serait plus une possession astrale. Si ça arrivait, ce serait un personnage astral qui rentre dans quelqu'un puis qui prend sa place. Oui. Puis... Oui. Donc, c'est pas un contact éclairé. Vous savez, vous voyez rien, d'un coup, oh, je vois tout, ah, yeah! Non, c'est pas ça du tout, c'est très dangereux, ça. Ça fait partie, justement, des contacts astraux. Soit des contacts avec les guides de lumière, qui, à un moment donné, finissent par être problématiques. On en a parlé un peu. Alors, il se passe quoi? Il se passe, et ce n'est pas ce qui va se passer chez tout le monde. C'est ce qui s'est passé chez moi, donc on peut en parler un peu, mais les individus doivent faire extrêmement attention pour ne pas se faire leurrer par des copies conformes du monde astral, où on va justement vouloir les ramasser. Alors moi, la conscience, j'ai réincarné des mémoires du passé, d'une façon assez claire que je me disais pas, pour moi, je suis la réincarnation d'un tel. Absolument pas. J'étais très jeune et je vivais la problématique. J'étais très, très jeune, je m'en vais à Montebello, je m'en vais là en plein hiver, je m'en vais parler à la nature, je m'en vais parler aux extraterrestres, au monde, aux fées, aux elfes, à Dieu, au diable, à qui que ce soit qui voudra bien me répondre. Je suis mal pris parce que je suis convaincu d'être X, Y, Z. Alors, je m'en vais là et puis je vérifie ça. Puis finalement, ben, c'est ça. Et merde. Ce que la majorité des personnes auraient voulu être, c'est ce que j'étais. Puis j'en étais extraordinairement malheureux. Pourquoi? Parce que je ne vivais pas l'image utopique d'un personnage. Je vivais toute la merde du personnage. Et j'avais à cet âge-là, très jeune, donc préadolescent, une seule idée, ne jamais laisser ça s'exprimer chez moi pour ne pas risquer de revivre les mêmes maudits problèmes. Alors là, je ne pense pas être quoi que ce soit. Parce que j'en ai jamais parlé de toute ma jeunesse, donc c'est différent. Celui qui se fait charrier, ben, il va aller dire, écoute, moi, je pense que je suis Napoléon, je pense que je suis Jules César, je pense que je suis Jésus-Christ. C'est très dangereux. Parce que l'image qu'on a de ces personnages-là, c'est une image romancée, souvent de la réalité. Celui qui l'a vraiment vécu, il n'y a pas celui vraiment... qui a voulu béatifier ou déifier, il va compter le bon côté de la chose. Tout ce que l'autre a vécu à travers le temps, puis compte les humains, puis bon, ça, on n'en parle jamais. Parce que il n'a pas pu vivre ça. Mais quand tu réincarnes ça. Mais t'es ça. À un moment donné, c'est un contact. Bon, je suis en train de... dans un véhicule ambulancier, je travaillais pour Urgence Santé. Je suis en train de lire certains livres. Je parle avec un personnage qui réincarne Nostradamus. Mais pas dans l'ambulance. J'allais souvent à sa librairie pour aller jaser. Et progressivement, eh bien, notre discours est un discours qui a de plus en plus une tendance à aller vers le neuf, puis aller vers le rejet de l'illusion, trouver la réalité. Et progressivement, on va là-dessus, puis à un moment donné, il me prête un livre de Jiddu Krishnamurti. Je commence à le lire dans des véhicules ambulanciers, au grand, grand, grand désarroi de mon préposé. Et puis... subitement, je me rire. Je ris comme un con. Là, je ris. Alors là, il savait déjà que un gars qui lit des livres comme ça... Ça va déjà pas bien. C'est pas correct. Et puis là, il se marie. Puis, Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais lui, il dit, là, quand tu vois un coucher de soleil, là, c'est un coucher de soleil. Ah, c'est au bout. C'est bon, voilà. Là, il comprend plus. Et puis, voilà, j'avais simplement, subitement, tout compris. J'avais... Il y a quelque chose qui s'est passé qui a permis que tout ce que j'étais au niveau d'un certain savoir descende au niveau du contexte planétaire, puis que maintenant ça me sert à quelque chose. C'est l'intégration de la connaissance. Voilà. Là, je venais d'entrer en contact réel et total avec mon esprit. C'était pas fusionné, mais je venais maintenant d'avoir de nouveaux yeux. Sauf que je me dis pas, hey, il y a raison, ou encore, moi, c'est vrai, faudrait. C'est pas ça qui se passe. L'humain qui vit ça est un humain authentique. C'est pas un humain qui est un acteur dans un film. C'est pas un humain qui essaie de rationaliser ce qu'il vit. Ce n'est pas ce qui se passe. Puis souvent, la personne qui croit avoir un contact joue un jeu. Alors qu'encore là, moi, première chose, cacher mon jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes qui pensent que c'est ça qu'ils vivent que je me dis, tiens, un autre cave de plus. T'sais. Alors, j'en parle pas. Mais en jasant avec certaines personnes, c'est évident que je parle de ce que je veux parler. Puis l'autre, c'est pas un imbécile non plus. Fait qu'il finit par se rendre compte que je suis intéressant. Je me trouvais aussi intéressant. J'apprenais énormément en parlant. Et tu vis ce que tu es, tu n'essaies pas. Je me disais pas à un moment donné, bon, mais là, qu'est-ce qu'un gars comme moi devrait faire dans telle situation, tu sais? Là, t'es un acteur encore. Ça, c'est pas un jeu de personnage. C'est comme si tu disais, qu'est-ce que Charles Villeneuve ferait dans telle situation? Mais qu'est-ce qu'un gars comme moi devrait faire? C'est un peu comme, par exemple, vous rentrez Chevalier de Colomb. Ben non, je sais comment je m'appelle les femmes. Fille d'Isabelle. Fille d'Isabelle, voilà. C'est vrai que c'était pas mal plus beau. De ce qui avait été créé. Et là, une fois que j'étais là-dedans, vous vous dites, bon, maintenant que je suis fille d'Isabelle ou chevalier de Colomb, comment un chevalier agit quand quelqu'un il l'insulte? Ben, vous n'êtes pas chevalier. T'sais, vous jouez à être. La fille d'Isabelle, c'est la même chose. Comment la fille d'Isabelle agit quand ses enfants n'arrivent pas à l'heure ou quand ses employés ne sont pas corrects? Vous n'êtes pas une fille d'Isabelle. Vous jouez à... Alors, comment une personne supramentale agit quand il se passe telle affaire? La personne n'est pas dedans, elle joue. Hein? Alors que la pureté d'un contact va faire en sorte que l'individu peut-être va en souffrir parce qu'il est totalement anormalisé. Et il le sait. La grosse nuance, c'est qu'il le sait, il sait que c'est correct, mais il y a un foutu problème. Il y a des parents, il y a des amis, il y a plein de professeurs, et puis il y a toute une société au complet, à un moment donné, qui va l'entourer. Alors lui, il se cache, lui, il sait, lui, il voit clair, lui, il se trouve des amis corrects. Il se trouve un adulte, à un moment donné, qui embarque, l'adulte meurt 2 semaines après, donc on n'a pas d'adulte pour l'instant pour lui. Puis l'adulte s'est fait noyer. On le ramasse par les pieds pour le descendre dans le fond de l'eau. Je fais tant qu'il se noie, on le lâche après. Je le sais, j'étais là quand c'est arrivé, mais lui était en Floride, moi j'étais au Québec, mais en tout cas. Et puis, plein de conneries qui vont se passer, et tu le sais, et tu sais qu'automatiquement, il y a, t'es recherché. J'ai été recherché longtemps. Je le suis peut-être encore. Qu'est-ce qui empêche que dans l'actuel présent, la personnalité ou la personne, je vais utiliser le bon mot, la personne s'exprime? Parce que si dans le futur, on vient le manipuler, puis si du passé, on vient aussi le manipuler, puis lui dire qu'il est, puis du futur aussi, on vient le protéger. C'est que le futur est orieux. Vous savez, c'est quoi le futur? Si vous êtes parfait, là, vous allez souffrir toute votre vie, mais quand vous serez mort, donc dans le futur, dans au paradis ou au nirvana ou ce que vous voudrez, à l'ambada, tu sais, c'est dépendamment des territoires, vous serez heureux. Mais c'est ça le problème du futur. Le futur qui s'incarne chez moi me dit, écoute, fais ce qu'on te dit, ça va aller bien. Le passé qui s'incarne chez moi me dit, écoute la pauvre, ça te vaut, t'es mal. La dernière fois que t'as fait ça, ça allait pas bien. Voilà. C'est ça. Et là, moi, je suis très limpidement, lucidement conscient de ce que j'ai été, avec ce que j'ai vécu, et totalement conscient de ce que je suis dans l'avenir, donc on peut dire de ce que je serai, avec c'est parfait et c'est vrai. Mais les deux ont raison. Totalement raison. Puis moi, ben entre les deux, il faut que je décide ce que je fais. Donc c'est une question. C'est déjà décidé ce que je fais. C'est une question de temps. Comment savoir quand le temps est arrivé ou quand le temps est correct pour que les deux aient tort, finalement, mais qu'il y ait un présent qui soit différent de ce que serait l'avenir puis de ce qu'a été le passé. Mais c'est ce qui va arriver aussi, parce que quand les deux se touchent convenablement dans un être conscient, il y a une bifurcation complète, puis ni l'avenir ni le passé appartient à l'individu. Ça devient totalement différent, neuf, en fonction de la conscience exprimée de l'individu. Si tu as une conscience exprime de la beauté, tu auras de la beauté en avant. Mais c'est pas l'avenir qui va te le dire, l'avenir te le fait croire. Le passé te dit, écoute, chaque fois que tu y as cru, tu as vu ce que ça donnait. Et puis, à un moment donné, ben, si tu arrives à ingérer et à digérer les deux, il y a une mécanique totale qui bouleverse tous les concepts de ce qu'on connaît au niveau de l'évolution de la conscientisation ou simplement de la démarche évolutive de l'humanité à travers le temps. Okay. Ou même de la matière à travers le temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait se détacher totalement de nos sentiments ou nos vibrations, nos perceptions de réincarnation? C'est quand tu vas être détaché, mais tu ne pourras pas t'en détacher. Parce que l'humain qui veut s'en détacher, c'est encore un humain qui va jouer le rôle de. Ça ne marchera pas. C'est toujours l'idée, vous marchez dans un dépotoir à la recherche de votre identité, puis à un moment donné, en renversant un tas de rebuts, vous vous trouvez. Quelqu'un d'autre va dire, ben écoute, m'en fais comme lui. Laisse-moi marcher dans le dépotoir, puis il essaie d'être, mais il sait pas le même, c'est pas la même chose. Il y en a un qui ne savait pas qu'il trouverait. Son état psychologique, son état supramental est différent. L'autre, il espère, veut pas trouver. Alors, ils ne sont pas sur la même fréquence, donc ce n'est pas le même événement. Ça ne fonctionnera pas pour le deuxième. C'est pourquoi je dis que quand il y en a un qui a fait une chose, essayez pas de faire comme lui, c'est fini. Ça marche, ça fonctionne une fois. Chacun devra donc trouver sa façon de passer. Mais où il y a toujours le danger, c'est l'individu qui se fait récupérer en se disant « je suis en contact ». Je suis en contact avec des guides. Ça se peut. Je suis en contact avec des anges. Ça se peut. Je suis en contact avec les extraterrestres. Ça se peut de moins en moins. Ça se peut. Mais de moins en moins. Je suis en contact avec Dieu. Ça se peut à peu près pas. Donc, ça se peut. Puis, je suis en contact avec moi-même. Ça, c'est... On en reparlera de toute façon. Alors, l'être humain, quand on parle de contact extraterrestre, faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a le contact intra-extra, c'est-à-dire qu'on voit des véhicules particuliers. On a un contact comme Claude Vorillon a eu, Raël. On a des contacts comme Richard Glenn a eu, Richard Glenn. On a des contacts comme Jean Miguel a eu. Bon, il y en a eu plusieurs, des contacts comme ça. Il y en a eu plein aux États-Unis ici, évidemment. Et ces contacts-là sont toujours des contacts dangereux, colorés, intraterrestres, manipulateurs, puis qui ont une fonction, c'est de ramasser la génétique de l'humain au profit de l'extraterrestre, qui est encore très terrestre, intraterrestre. Alors que l'être humain qui aura un contact extraterrestre, qui est un contact, de toute façon, comme je dis tout le temps, c'est que l'extraterrestre doit rencontrer un terrestre extra. C'est l'humain qui devra déterminer comment ça va se vivre, la chose, et l'humain ne doit pas embarquer. Le gros danger, bon, à un moment donné, on est tous quelque part en ville, et puis il y a une soucoupe volante qui atterrit dans un jardin. Si tu vois dans un jardin, ça atterrit. Je ne sais pas si c'est là contre le potager, mais en tout cas. Et nous, on fait le tour de la maison et on voit la soucoupe volante qui est là. Il y a un extraterrestre qui sort des grands, grands bras, là. Puis là, il regarde tout le monde au complet, puis son grand bras télescopique avance. À un moment donné, il touche le nez de quelqu'un ou le front de quelqu'un, puis il dit « C'est toi ». Puis là, il rentre son bras, il rentre dans sa coupe, puis il sac son camp. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le gars ou la fille qui s'est fait dire « C'est toi » est probablement fini. Fini. On peut l'enterrer tout de suite. Vous grouillez un peu, là, mais fini. Pourquoi? Parce que... Il va devenir conférencier. Tout cette... Oui. Toute sa vie va changer. Toute sa vie va changer. Et fait des farces qui sont drôles, tu sais. C'est ça le plus drôle que je voyais. Évidemment, quand on est limité. Mais... Il faut comprendre l'idée, c'est que la personne, pourquoi elle est finie? Parce qu'elle n'a pas la capacité psychologique de supporter ce qu'elle est, elle. Alors, elle va automatiquement s'associer à une vision qui peut être n'importe laquelle, qui sera renforcée par « c'est toi ». La personne, elle va dire « je l'ai toujours su ». Mais tout le long, là, si on arrête tout faire, elle a tout dit la même affaire, tu sais. Il y en a qui vont dire, il y en a automatiquement qui, les plus faibles, vont être perdus aussi. Ils vont vouloir suivre l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus, l'autre? Il y a un extraterrestre qui vient mettre la main dessus, tu sais. Il est allé aux toilettes, il manquait un peu, il s'y suit. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a marqué dans le front, c'est tout. Et là, on va dire, écoute, c'est quelqu'un de... C'est qui d'autre? Oui, mais ils ne vont pas aux toilettes comme nous autres, les autres. Sur le bout des doigts. Oui, caramel, et nous, on est fait pourquoi? Parce qu'on va vouloir suivre un individu qui a été reconnu dans les mains de qui on a donné une autorité extraordinaire. Puis l'autorité extraordinaire, elle est en fonction de l'autorité que nous donnons aux extraterrestres. Imaginons qu'un extraterrestre comme ça, qui se fait toucher le doigt, qui se fait toucher le front, prendrait pour lui-même l'énergie, c'est-à-dire que, on va prendre l'exemple, ça deviendrait un conférencier, puis qui dirait pas, ben les extraterrestres m'ont dit, mais je sais que. Oui. Là, un extraterrestre qui manipule un individu à venir parler, puis l'extraterrestre parle par sa bouche. Non. Parce que tu le dis, parce qu'il y en existe. Oui, ça, il y en existe aussi, mais imaginons que l'individu. On appelle ça un CV. Un curriculum vitae. Ouais, Claude Vorillon, même chose. Si l'individu était suffisamment solide pour ensuite avoir accès à sa connaissance, mais en l'utilisant pour lui-même. C'est-à-dire, si ça l'avait juste énergisé assez pour devenir ce qu'il était, lui. Non, ça, c'est une utopie planétaire. Okay. Parce que l'imbécile extraterrestre va aller toucher l'humain, un humain faible. Il ne touchera pas celui qui serait capable de... Il ne touchera pas celui qui risque de s'en servir contre lui-même. Donc, qui risque d'être assez fort pour venir contre lui. Mais ça, c'est dans le cas où c'est un extraterrestre astral, là, extraterrestre qui n'est pas un terrestre qui vient du futur. Non. Prenons l'exemple encore du même scénario. Là, il y en a quelques-uns qui sont partis avec l'autre. Là. La soucoupe revient. Atterrit. Mais là, en atterrissant, il y a une patte qui s'ouvre pas, tu sais. Puis la soucoupe tombe un peu croche. Fait que là, il va quand même. On le pardonne. Là, il y a un extraterrestre qui sort, puis en sortant, il s'enfarge dans les rosiers. Puis il tombe à terre, tu sais. Et il s'enlève, il donne des coups de dents en chiolant en langage extraterrestre. Puis après ça, il vient nous voir. Fait que son grand bras, il avance lentement, puis paf, à la de quelqu'un, puis il continue, tu sais, puis il m'a donné. Trop court. Il est avancé. Puis il va toucher quelqu'un. Puis là, il lui dit. Allô? Là, il y a un extraterrestre qui sort en courant, qui dit. C'est toi! Il corrige. Là, il rentre son grand bras, moi, c'est tout croche, je traverse, ça rentre mal, puis il rentre dans sa coupe, sur 3-4, il rentre ça, tu sais. La sa coupe, elle part tout croche, puis elle arrache une partie du toit d'une maison, elle s'en va. Là, est-ce qu'on va le suivre, l'autre? Moi, je suivrais plus celui-là. On peut penser que. T'en as nommé 3-4 dans le groupe des chefs, là. Ouais, qui vivrait ça. Ouais. Mais comprenons l'idée. Le public, est-ce qu'il va suivre ce personnage-là, s'il a vu l'extraterrestre s'enfarger, peut-être petit? Le gros pas assez grand, tu sais, comme s'il manquait d'eux. Nous, on croit et on donne de l'importance et de l'autorité des mécaniques, et par la suite, on va se laisser assujettir en fonction de l'importance qu'on leur a donnée. On se fie à la forme et puis à l'image. Bon, il y a un bonhomme qui n'est pas grand-chose, qui est un enfant un petit peu tenant. Puis à un moment donné, ben, il lit la Bible, il est extrêmement, il était instruit dans un contexte très, très, très catholique, et puis dans un pays où on ne l'est pas trop. Puis finalement, il devient prêtre, parce que c'était de bonne loi à l'époque, il fallait que le septième devienne prêtre, puis il y a eu dans la famille, parce que la mère allait au ciel directement, avec lui, il envoie sa mère au ciel, bon, t'es tanné de la voir, fait qu'il devient prêtre. Et puis, progressivement, il devient, bon, évêque, etc., puis il monte, puis il monte, puis il monte. Puis c'est qui? C'est rien d'autre. Puis un jour, il est pape. Puis tout le monde se met à genoux devant lui. Pourquoi? Parce que l'autorité qu'on donne au pape, ben quand il est devenu pape, ben lui, on l'oubliait. C'est ça. L'humain a trop tendance à faire ça. Moi, quand j'ai eu des contacts, je me suis amusé. J'étais très jeune, c'est évident, et j'ai toujours eu une qualité défaut, celle de jamais être capable de supporter une autorité. On doit être amis, sinon on va te coucher. Et c'est intéressant. Quand j'ai eu un contact avec, bon, extraterrestre, j'en ai eu plusieurs de différents types, parce qu'on a le contact extraterrestre supramental, on a le contact extraterrestre bouddhique, on a le contact extraterrestre mécanique, et ils viennent vous opérer, c'est intéressant. Et ce qui arrive, c'est que si on se laisse totalement subjuguer par leur autorité, et ça devient à un moment donné, et ça j'ai appris ça il n'y a pas tellement longtemps, un grand, grand, grand, grand danger. Je le dis là, je ne sais pas si c'est le temps, en tout cas, si ce n'est pas le temps, vous ne comprendrez pas, puis si c'est le temps, il le comprend, bon. En tout cas, lui, il ne comprendra pas si ce n'est pas le temps. Il ne comprendra pas de toute façon. C'est que quelqu'un qui dit, j'ai toujours dit ce qu'il fallait, mais maintenant je sais que ce que je disais était correct, je suis sûr d'être sûr, c'est que quelqu'un qui dirait par exemple, Père, je veux faire ta volonté, c'est extrêmement dangereux. Tous ceux qui finissent par faire ça et qui sont en contact avec des mécaniques extraterrestres vont toujours finir sur le bûcher ou sur la croix. Ils vont toujours finir morts dans des souffrances physiques et normalement psychologiques. Parce que c'est pas sa volonté qui doit être faite? Moi, ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'une personne va dire « Je veux que ta volonté soit faite », normalement le Père devrait répondre « Alors que ta volonté soit faite ». Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la volonté de l'ego humain, parce que pour que l'ego humain puisse parvenir à un contact extraterrestre suffisamment énergétique, on va en parler plus la semaine prochaine avec le contact avec Dieu, parce que, bon. Mais il y a des mécaniques que l'humain n'a jamais connues, que l'humain ne sait pas, et que même dans le passé, les grands initiés ou les avatars avaient tort de ne pas connaître, parce qu'il y a des trucs qui sont problématiques dans l'ascension de l'humain. Et ça revient un peu à la même chose, je rencontre un extraterrestre et on finit par se remettre entre ses mains. Il pourra aider, si c'est un extraterrestre ascensionnel, il pourra aider, jusqu'à une limite où sa science ne peut pas connaître l'humain plus loin que ça. Puis si on s'est remis entre ses mains, on va être fini. C'est comme, moi je vais voir le barbier et je lui dis, rase-moi. Alors il me rase. Puis, une fois qu'il m'a rasé, à un moment donné, j'ai mal aux dents. Puis, à l'époque des cow-boys, le barbier était aussi le dentiste. Des fois, c'était le chirurgien aussi. puis l'accoucheur, puis tout. Souvent le judas de la place. Eh oui. Alors, je lui dis, écoute, j'ai une dent de sagesse, là, qui est vraiment pas sage, puis elle fait mal, puis etc. Peux-tu me l'arracher? Moi, je fais confiance au barbier pour me raser. Et le gars est tellement fiable. Tu sais, je lui laisse même mon cou. À l'époque des westerns, tu sais, il peut... Bon, me faire respirer plus vite. Et là, je lui donne mes molaires. Il arrive à l'arracher, puis il me tripote en masse. Une partie de la mandibule qui part avec, etc. Puis je me dis, ça fait partie de la médecine. Puis à un moment donné, j'ai un appendicite. Là, je vois le barman. Je vois le barman pour qu'il m'anesthésie. Il fournit la boisson. Puis après ça, ben là, on me traîne jusqu'à chez le barbier qui dit à ses clients d'attendre. Et puis là, lui, il va vouloir me faire une appendicectomie, par exemple. Puis là, je peux en mourir. Le gars est bien correct. J'ai tout remis entre les mains d'une seule autorité parce que dans un créneau particulier, elle était 100% efficace. Et je me suis fait avoir. Pas de sa faute. Pas de la mienne. On est comme ça. Alors, à un moment donné, quand la conscience arrive à un certain niveau, l'humain, ce n'est pas du chocolat. Ce n'est pas un tas de feuilles mortes, on va dire. Hein? Bon. Et ça, l'humain le sait. Mais l'humain est prêt à vendre l'idée qu'il n'est pas que de la... Ça, le moindre moment qu'une autorité se pointe devant lui, il est prêt à se vendre. C'est un maudit problème. C'est parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on ne se respecte pas. C'est parce qu'on ne s'aime pas, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment centré chez nous, c'est parce qu'on n'a pas la capacité de se reconnaître une forme d'autorité. Puis l'autorité, l'humain va se la plagier, c'est-à-dire que l'humain n'est pas capable d'avoir de l'autorité pour lui, alors il va essayer de s'en créer une qui va s'appeler l'orgueil. Bon, l'humain ne s'aime pas, il va essayer de le copier, d'en créer une forme d'amour... L'amour propre, en plus, ça va être encore de l'orgueil. Êtes-vous absolument rien? Non. Et les personnes, souvent, vont se dire, non, écoute, j'ai de l'énergie, j'ai un foyer, j'ai quelque chose. Parfait. Alors, moi, je me lève de ma chaise en flottant, je passe au-dessus de vous autres, je viens me rasseoir, puis je vous dis, vous n'êtes rien. Vous allez tout me croire. Pourquoi? Il ne s'est rien passé. L'extraterrestre va arriver, toi, puis l'autre, il est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de puissant? Ce qu'il y avait de puissant chez lui est rendu où maintenant? On est facilement prêt à trahir notre meilleur allié, nous-mêmes. On se trahit facilement. Alors, ça va être Dieu, ça va être ceci, ça va être cela. On se trahit facilement. Bon, faites les premiers pas et le ciel vous aidera. Ce que je dis souvent en séminariste, c'est que ça, c'est faux. Faites tous les pas, le ciel fera les derniers. Et c'est vrai. Les tentacules énergétiques, c'est évolué, là, ils descendent jusqu'à près de l'humain, là, puis ils peuvent pas le toucher. Bon, alors, fais les pas, ben, à un moment donné, on fera le reste, c'est pas de problème, là. Mais l'humain qui se dit, je vais faire les premiers pas, après ça, il passe sa vie à attendre. Il y a un foyer d'énergie, il y a un foyer d'autorité, de puissance chez lui, qui n'est jamais développé suffisamment, et l'humain qui essaie de le développer, à un moment donné, il y a un guide de lumière à le rencontrer pour lui dire, écoute, assieds-toi maintenant, on s'occupe de tout. L'humain est prêt à abdiquer. Il faut se servir de ces formes-là tant aussi longtemps qu'on est dans l'incapacité de faire mieux, mais aussitôt qu'on a un peu de conscience, on faut se fier à nous autres plus que ça. C'est pas se fier, disons, à nous autres plus que ça. Mais plus qu'on le fait actuellement, si on se fie à des êtres du passé ou du futur, c'est parce qu'on se croit pas, on ne se sait pas, on ne s'autorise pas à être. C'est que l'humain qui subitement est convaincu d'avoir gagné le gros lot est un humain facilement bernable. C'est un humain qui c'est dangereux. Le contact avec une mécanique extraterrestre, c'est très intéressant. Je connais des individus qui ont eu des rencontres du deuxième type, c'est-à-dire qu'il y a eu des traces au sol. Je connais des personnes qui ont eu des rencontres du troisième type, donc des contacts directs. Il y en a un, entre autres, qui aurait dû mourir aussi, et puis les extraterrestres l'ont restauré. C'est un Français. Comme quoi, les extraterrestres... sont vraiment pas racistes. Hein, Maurice? Mais... C'est pour dire, hein? Je pensais qu'il y avait juste les terrestres qui perdaient leur temps, même les extraterrestres. Bon. c'est de là que vient le macramé puis toutes les passe-temps. Oui, c'est ça, mais remarque, lui, ils l'ont guéri quand il était en état d'être inconscient. Ils n'ont pas joué avec lui, c'est un peu trop compliqué peut-être. Mais il a été guéri par les extraterrestres. Puis il y en a eu plusieurs comme ça. Il y en a eu énormément. Dans les annales historiques, on a beaucoup de contacts extraterrestres. Est-ce qu'ils ont tous été conscients qu'ils ont été guéris par des extraterrestres ou si ils ont pu... Oui, ils le sont tous. Et à partir de là, 100% de ceux que j'ai connus ont été missionnés. Ils ont accepté de s'abdiquer en tant qu'être humain pour devenir le véhicule de communication d'une voie extraterrestre. Mais est-ce qu'il n'y en a pas qui n'ont pas été missionnés parce qu'ils n'ont pas été conscients, mais qui ont quand même eu un contact ou une intervention? On peut appeler ça de l'intelligence du futur autrement. Dans le passé, non. Si je tombe en bas, là, disons, là, admettons, je tomberai en bas par la fenêtre, on est au 7e étage, puis je meurs pas. Je demanderai à Maurice de venir te remplacer. Ouais, ça aussi, je parle pas. Ah, c'est pas la fois que tu veux. Je sais bien que t'arrêterais pas en conférence, mais... Non. Bon. Puis admettons que je me relève, et puis que je suis pas mort. Je suis censé mourir, tomber du 7e étage. Est-ce que... Puis que c'est tout, ça arrête là, là. Fais le massacre à la scie, là. Arrête. J'ai déjà vécu ça. C'est ça, massacre à la scie, ça a commencé avec lui bien d'avant. Ouais. Mais c'est ça, c'était arrivé, toi. Ouais, mais ça n'a pas fait en sorte que ça a révélé quelque chose. Non, sauf que ça a fait en sorte qu'il a dû se passer quelque chose de particulier. Bon, je ne sais pas si tu vas en parler, mais en tout cas. Ça ne me dérange pas, mais... OK, mais très simple je vais résumer. Oui. Ça va être plus simple si c'est toi qui résume. Alors, son père, il veut lui montrer à faire marcher une scie mécanique. Ah, maman gaz, c'est bien parfait, c'est l'hiver, il fait très froid. C'est peut-être pas tout à fait l'histoire, mais en tout cas. Puis à un moment donné, ben lui, il va se saigner, puis finalement, la scie, il rentre dessus, puis elle coupe du nombril jusqu'à la colonne au complet. Alors, son père a essayé d'arrêter la scie avec son bras, il s'est coupé le bras, vous savez, une scie mécanique, c'est pas... Sauf que la scie est tombée en panne d'essence avant de toucher les organes majeurs. Et partout où ça a été coupé, au fur et à mesure, la peau se cautérisait. Ça se soudait immédiatement. Et donc, pas eu d'hémorragie. Et les hôpitaux, il n'y en a pas dans la région. Fait que ça a pris bien du temps avant d'arriver à l'hôpital. Puis à l'hôpital, les médecins ont constaté que finalement, ce qui aurait dû être fait était déjà fait, là. Il devrait être mort, mais pas mort, mais puis ça ne saigne plus. Puis bon, enfin, bref, ils ont tripoté un peu, puis ils l'ont retourné chez lui. Ils ont enlevé le bretti pour me retourner chez lui. Ils ont monté le bretti. Et ils l'ont nettoyé. Pas sa balayeuse. C'est ça. Et puis, il est retourné chez lui. Et puis, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a pas eu de rien de coupé. Enfin, bref, tout est correct. Alors, juste avec 6 ans. C'est un bon âge. Hein? Là, il n'y a plus d'accident dangereux. 5-6 ans, c'était le temps, mais là, ça a manqué votre coup. Mais, il se passe quoi? Ben c'est ça. Il y a pas mal, probablement, plusieurs personnes, à un moment donné, qui ont vécu des trucs qui sont totalement hors du contexte commun et qui sont totalement vivants. Alors, on peut parler du miracle divin. Ben, il y a plusieurs personnes qui ont une mécanique extraterrestre, un phénomène archangélique d'ailleurs qui est extraterrestre. Il y a des contacts. Toi, tu es resté obscur dans ta conscience jusqu'à temps que tu rencontres un autre extraterrestre. Pas beaucoup de cheveux. Jusqu'à temps que je commence à l'interview, oui. C'est ça. Jusqu'à temps que je me rencontre. Puis là, subitement, ben, tu t'es réveillé à toi-même. Mais ça n'a pas fait en sorte de me missionner, dans le sens que... Parce que tu as de la conscience et de l'intelligence. Uniquement. Donc, mais... ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde qu'on ait un accident ou qu'on ait... Je parle d'un accident parce que c'est l'exemple, il me semble, le plus physique et le plus concret. Il y a d'autres façons. Là, mais... Qu'on peut mesurer... Bon, il y a d'autres façons aussi qu'on peut être frappé par l'intelligence, si on veut, ou se faire dévier le chemin sans empêcher. Le terme est intéressant, frapper. Oui, c'est vraiment frapper. C'est des chaînes, hein? Frappé par l'intelligence, où ça coupe entre l'astral et le mental. Exactement, oui, c'est ça. Et puis, que ça fait pas nécessairement, qu'on ne prend pas nécessairement conscience de l'événement au moment où on le vit, ou même après. Moi, j'ai pas pris conscience, là, non plus. Tout ce que je sais, c'est que quand tu fais une rétrospective, à partir de quel âge j'ai commencé à être fou, c'est à partir de... Tu remontes loin, toi. Ben, c'est ça. Tu peux remonter dans le temps, pas mal. Oui, mais je parle dans celui-ci. Oui. Tu vois, t'es fou. Puis une fois folle. Et puis là, c'était pas un cadeau, en tout cas. Mais c'est ça. L'humain doit faire attention simplement au niveau des contacts. Les personnes... parce que prochainement, il y aura de plus en plus d'individus qui vont vivre des contacts. Contacts de troisième type. Donc, rencontre physique avec un extraterrestre. Et puis... Est-ce qu'il y a une rencontre du quatrième type, du cinquième type, qui est 5, de la conscience, 6, 7, etc.? Oui, 35, j'ai déjà dit, c'est jouer aux échecs avec des extraterrestres. En trois dimensions. Dans le temps. Du 35e type. 12e, c'est allé au restaurant avec eux autres, tu sais, c'est... Est-ce capable de parler sérieusement, deux minutes? Ce que je fais? Mais après, le troisième type, c'est une rencontre physique. Mais n'embrassez jamais un extraterrestre sur la bouche. Il va vous pousser une de ses moustaches, en tout cas. C'est un conseil comme ça, je vous donne, remarquez, j'ai pas... Bref! Ouais, parce que ça ressemble à une bouche. Mais... Ah, en tout cas, c'est ça. C'est une deuxième bouche, en fait. Mais n'embrassez jamais un extraterrestre sur la bouche. C'est... En tout cas, mettez avec l'ex. Est-ce qu'on s'est fait des images d'extraterrestres en tant qu'humains qui ressemblent à l'humain, des noirs, des blancs, des... Mais ça, on est laid, on s'en fait des laids, on est beau. La base, c'est ce qui est arrivé. Les extraterrestres viennent conquérir le monde. Nous sommes les bons, ce sont les mauvais. Si vous regardez les revues qui existent depuis longtemps, avec je ne sais plus qui, lorsqu'on avait des gros lasers, toujours les gars ont des grands muscles avec des grandes bottes, les femmes sont toutes des vraies starlettes, là. Puis ils sont des conquérants spatiaux, les extraterrestres, c'est toujours des mauvais. Quand il y a eu Mars qui attaque la planète Terre, c'est toujours des mauvais aussi. De base, l'humain a transposé dans l'extraterrestre les forces sataniques. Progressivement, croyant de moins en moins à Dieu, il a commencé par cesser de croire au diable, croyant de moins en moins à Dieu, il transpose les visions de Dieu dans la mécanique extraterrestre, et là on aura des extraterrestres plus salvateurs qui vont venir sauver l'humain, qui vont intervenir vers la fin des temps, etc., etc., etc. Et ça, ce sont des mécaniques de projection, parce que l'humain a créé des extraterrestres à son image et à sa ressemblance, comme l'humain avait créé des dieux à son image et à sa ressemblance. Maintenant, c'est évident qu'il existe quand même des faisceaux extraterrestres qui ne font pas partie de la créations humaines, qui peuvent être colorés quand même par la vision humaine, mais qui ne font pas partie des créations humaines et qui sont quand même là. C'est comme si on dit la majorité des dieux créés par tous les dieux créés par l'homme sont des dieux... de débilité, sont des dieux de stagnation, sont des dieux qui finalement se foutent royalement de l'humain. Il n'y a pas un dieu qui est prié par l'humain, qui s'intéresse à aider l'humain. Bon, il faut faire un miracle sur un sur un million, de façon à convertir du monde, là, mais il n'y a pas... Par contre, la mécanique divine existe quand même. Sauf que ce que l'humain en a vu n'est pas. C'est une coloration, une copie ajustée, mais ce n'est pas une réalité. Alors, ça existe quand même. Quand l'humain parle d'extraterrestres, il va aussi, à un moment donné, colorer, se créer des idées. Mais la mécanique d'Ézéchiel, les mécaniques archangéliques qui sont typiquement extraterrestres, elles existent quand même. Alors, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on s'est fait avoir ou on s'est trompé que ça n'existe pas. Il y a des personnages à la radio qui parlent souvent de... qui animent des émissions sur des grandes chaînes radiophoniques et qui vont justement toujours être en train de démolir l'affaire. T'sais. Il y a vu un extraterrestre. Là, maintenant, on s'est rendu compte que c'était pas ça. T'sais. Il y a bien du monde épais qui croit à ça. Mais il y a bien du monde épais qui ne croit pas non plus. Ce n'est pas... Surtout que mathématiquement, on peut prouver... on pourra un jour prouver qu'il y en a, mais on ne pourra jamais prouver qu'il n'y en a pas. C'est pas parce qu'on n'aura jamais vu après 2 milliards d'années que ça sera une preuve qu'il n'y en a pas. Parce qu'il faudrait faire la création complète pour vérifier. Alors, en partant, il y a déjà une limitation là. Et il y a toujours des individus. On parlait des sceptiques à un moment donné, les sceptiques du Québec. C'est pas des sceptiques, c'est des fausses. Des faux sceptiques, tu sais, c'est des morts. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont pas sceptiques. Ils sont convaincus que les affaires sont fausses. Donc, ils sont pas sceptiques, ils sont totalement convaincus. À l'opposé des autres. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous allez rencontrer des traces d'extraterrestres dans votre cour ou sur votre balcon, qu'à un moment donné, vous allez découvrir que c'est une farce qu'on vous a faite, que ça n'existe pas. Et ça prouve que ça, il faut. Ça prouve rien d'autre. Alors, l'humain va, il y a des mécaniques extraterrestres qui existent, qui sont ascensionnelles. Il y en a quelques rares attachés au plan planétaire qui sont des mécaniques extraterrestres pillardes, qui veulent piller la génétique humaine. Et l'humain aura de plus en plus, il va rencontrer des extraterrestres dans les années à venir, puis il y en a plusieurs humains qui vont rencontrer. Dans des conférences antérieures, tu as déjà dit que plusieurs futurs possibles, puis qu'on peut se diriger soit du côté de l'Apocalypse, par exemple, dans des prophéties de Nostradamus, ou en faire le tour, puis ça deviendrait l'Apocalypse des autres, puis que ça voulait dire qu'il y avait, dans le futur, deux scénarios. Est-ce qu'on peut avoir une rencontre extraterrestre avec ces deux groupes d'individus qui vivent des deux scénarios différents? Oui. Puis là, à ce moment-là, se faire manipuler pour aller d'un côté ou d'aller de l'autre. Bon, c'est... je sais pas si tu as compris ce que je dis, là, mais... Ce que je voulais dire en plus court, est-ce que ton intervention extraterrestre, par exemple, de ton opération, pourrait être d'un côté où il ne faut pas aller? Oui. Puis ça peut être aussi d'un côté où on va. Oui. Voilà. Ça fait qu'on ne le sait pas. Et là, l'humain va dire, ouais, mais comment le savoir? Tu ne sauras pas. Tu sauras un jour que tu avais raison ou un jour que tu avais tort, sauf que si tu n'abdiques pas ton énergie, parce qu'à un moment donné, tu rencontres des trucs que tu as toujours voulu rencontrer, tu ne te feras pas avoir. Mais si tu abdiques ton énergie dans les mains de ce que tu rencontreras un jour, s'abandonner à ce tu ne sauras jamais si tu t'es fait ramasser ou pas. Donc, si tu restes conscient, si tu restes lucide, si tu te trompes, en tout cas, au moins, tu auras fait ce que... Oui, c'est exactement comme si tu dirais, moi, je veux rencontrer Dieu. Je suis un être humain correct, je suis fort, j'aide, mettons, mon village, je motive des gens, j'en guéris quelques-uns. Je suis une batterie. Donc, je suis capable d'émettre. Puis, à un moment donné, dans le désert, je rencontre Dieu. Puis, à partir de là, je décide, c'est comme si lui me prenait toute mon énergie. Je ne suis plus rien. Et quand je reviens au village, je motive plus, je dis, croyez en Dieu, priez les dieux. Puis, moi, là-dedans, je fais plus rien. Il s'est passé quelque chose de pas correct. De très catholique, mais de pas correct. Bon. Ce qu'on doit comprendre, c'est que pourquoi moi, je ne peux pas être, pourquoi moi ne serais-je pas capable de rester l'être puissant que je suis sans les dieux ou sans les extraterrestres? Pourquoi je ne serais pas capable de rester le même personnage au contact des autres? Vous êtes une personne d'autorité. Vous êtes génial, vous êtes un grand conférencier, une grande conférencière en électronique. Et puis, on va dire en physique. Et puis, à un moment donné, eh bien, vous rencontrez dans un colloque le plus grand ou la plus grande des physiciens planétaires. Là, subitement, je me rends compte que vous êtes fondé au contact de la personne. Puis capable de rien dire. En extase devant. Quand on revient après, j'ai une toute autre idée de vous autres. Il s'est passé quoi? Bien, il s'est passé que vous êtes correct. Quand vous pouvez être en haut, puis quand vous rencontrez quelque chose de supérieur, vous vous défaisez au complet. Puis ce physicien-là ou la physicienne la plus avancée sur la planète, elle ne voudra peut-être même pas d'une loque humaine comme vous autres. Alors que quand elle n'est pas là, vous n'êtes pas une loque humaine. Il se passe un mensonge dans leur relation. Alors, l'humain doit conserver l'idée que qu'il rencontrera n'importe quoi, il ne doit pas abdiquer ce qu'il est lorsqu'il y a un contact. Vous avez des questions sur le sujet, sur n'importe quelle forme de rencontre extraterrestre ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez de façon à ce que Charles nous donne l'impression qu'il sache lire, et puis il va les lire.